On va parler de curling. On se prépare pour le tournoi des coqs qui va commencer samedi. L'équipe de Mélina Perron de Dolbeau-Missassini va évidemment participer. On va avoir Alain Uzereau de RDS vendredi pour nous parler de tout ça. Mais quoi qu'il en soit, je voulais parler avec une autre qui est native de Dolbeau-Missassini qui a perdu contre la formation de Mélina Perron. C'est Marie-France Larouche. Bon matin, Marie-France. Oui, bon matin. Marie-France, d'abord... comment vous avez vécu ça, affronter des juniors? Toi, tu as participé à 7 tournois des cœurs, donc connais le tournoi des cœurs, tu connais évidemment tout ce qui gravite autour, c'est pour ça que j'ai décidé de t'appeler le matin. Mais avant, comment vous avez vécu ça? Est-ce que vous les avez pris à légère? Oh boy, vraiment pas. Moi, je vous dirais là, que moi, c'est vraiment une de mes... Je pense que c'est une de mes forces, là, tu sais, de jamais prendre personne à la légère. Puis pourquoi ils ont gagné, c'est parce qu'ils ont mieux joué, tout simplement. Tu sais, quand ils sont arrivés contre nous, là, honnêtement, moi et Emilia, là, qui est la skip, à chaque bout, on arrivait, puis après un bout, puis on disait « Hey, belle shot », puis elle me disait la même chose. Puis on arrivait à l'autre bout, « Hey, belle shot, toi aussi ». Tu sais, ça a été comme ça, là, toute la partie. Donc, tu sais, ça a été vraiment, vraiment un super beau match des deux côtés. Puis à la fin, écoute, elle a terminé ça avec un raise, double take-out, puis un run-back pour gagner. Là. Fait que, tu sais, je peux pas y enlever, là, elle a vraiment mérité. OK. Est-ce que... Mais certainement, une chose est sûre, c'est que je l'ai pas pris à la légère. Non, mais ça aurait pu arriver, parce qu'une équipe junior qui a ça aurait pu arriver, vous regardez de haut un peu, puis, tu sais, eux autres allaient là pour prendre de l'expérience, pour avoir du plaisir. Est-ce que tu penses qu'à quelque part, j'en ai parlé avec leur entraîneur, c'est passé, l'insouciance de la jeunesse... parce que, tu sais, je veux pas le manquer de respect, puis ça, c'est... Mais tu sais, quand t'as 17, 18 ans, tu penses pas comme un... Tu vois pas la pression de... Est-ce que tu penses que ça a pu les aider? Ben, c'est... Tu sais, c'est sûr, puis souvent, là, ce que je trouve, c'est quand on est junior, ben, c'est la constance, souvent, qu'on a moins, tu sais. Mais on peut avoir vraiment des bonnes séquences où on joue, tu sais, très, très, très, très bien... Puis, l'instant d'après, on joue vraiment moins bien. Tandis que quand on est plus adulte, on est plus capable de maintenir de certaines constances. Puis là, ben écoute, durant la semaine, là, tu sais, je le voyais, puis on a parlé beaucoup, on avait joué contre elle là, durant le round robin, donc à peu près au mercredi, là, on avait joué mercredi ou jeudi, on avait joué contre elle déjà. Puis là, tu sais, on les avait battus en 8 bouts. Puis même après, là, je leur avais dit, j'ai dit, crime, vous jouez bien. Tu sais, je trouvais qu'Emilia était calme et tout ça. Fait que, tu sais, eux autres, ils s'étaient dit, bon, ben gars, on continue comme ça, puis ça va bien. Puis effectivement, ils ont pas lâché, ils ont continué à jouer comme ils jouaient. Puis même leur entraîneur disait, hey, ils jouent vraiment. Tu sais, je les ai pas vus jouer comme ça de l'année, là. c'est lui qui nous le disait, là. Fait que, tu sais, puis dans ce temps-là, ben la confiance monte, puis... tu dis, ben garde, on n'a rien à perdre. C'est sûr que tu n'as rien à perdre à ce moment-là, là, tu sais, de dire je vais jouer bien, je vais jouer du mieux, puis on verra à la fin qu'est-ce qu'il va donner. Okay. Puis écoute, ça a tourné pour eux autres. Là. Okay. Phil Desgagné a dit vendredi sur les ondes qu'il y a des équipes seniors qui ne voulaient pas que vous participiez, que l'équipe d'Emilia et également Mélina participent à ce tournoi-là. Est-ce que c'est vrai? Écoutez, ben là, ça, c'est... Je suis vraiment surprise d'entendre ça parce que c'est vraiment mal me connaître, là, si mon nom a sorti là-dedans, là, je suis vraiment déçue, puis un peu, tu sais, de voir ça parce que s'il y en a bien une qui essaye pour le junior, tu sais, j'ai fait plusieurs camps avec les juniors pour essayer de leur donner mon expérience puis tout ça, c'est, tu sais, je suis déçue d'entendre ça. Par contre, là, sur le fait que eux autres, en fait, c'était pas inscrit avant la date limite. Tu sais, on a une date limite qui est le 1er décembre, puis c'est depuis des années comme ça, puis c'est encore écrit officiellement sur le site de Curling Québec. Fait que moi, la seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai appelé Curling Québec pour leur demander, dire, là, vous trouvez pas que ça va faire un précédent? Tu sais, si l'année prochaine, il y a des équipes qui voient, oh, il y a pas assez d'équipes, ben, tu sais, on va s'inscrire après la date. J'ai même entendu, tu sais, il y a des équipes seniors qui sont venues me voir pour me dire, ben, pourquoi qu'ils ne l'ont pas fait à nous autres aussi, tu sais. Fait que ça faisait comme une petite polémique par en arrière. Puis moi, ben, j'ai pris le téléphone puis j'ai dit, garde, je vais aller mettre ça au clair avec Marc-André. Puis j'ai parlé, Marc-André, c'est le président de Curling Québec. Puis après ça, j'ai dit, c'est bien correct. Moi, j'aime bien mieux avoir un tournoi parce qu'on était juste 5 équipes d'inscrites de femmes, là. Fait que, tu sais, d'avoir un tournoi à 8 équipes, ça fait un drop parfait. C'était bien correct comme ça. Puis c'était juste par la façon dont il l'avait fait qu'on questionnait là. Mais qu'il soit là, écoute, moi j'aurais toujours rêvé là de pouvoir jouer quand j'étais junior. On n'avait pas le droit de jouer chez les femmes. Okay. Puis j'aurais toujours rêvé là de pouvoir le faire parce que tu sais, c'est une expérience de plus. Puis quand t'es très bonne dans les juniors, ben des fois ça te prend cette expérience là de plus pour pouvoir même tu sais gagner chez les juniors. Ouais. Puis c'est cette expérience là que les autres ils vont avoir. Puis c'est génial pour eux autres. Puis je leur ai dit là, tu sais, aux filles qui étaient là parce qu'elles étaient pas toutes seules, il y avait deux autres équipes juniors aussi là. Mm. Puis je leur ai dit, vous êtes, tu sais, c'est le fun que vous soyez là puis prendre l'expérience et tout ça là. Okay. Fait que, non, c'est vraiment pas que je voulais pas qu'elles soient là, pas du tout. Mais c'est le principe de dire, ben garde, faut s'inscrire à la date. Puis tu sais, chez les hommes, il y a une équipe junior qui s'est inscrite à la date, qui ont fait le processus, puis ils vont être au provincial aussi. Tout était très légal. Okay. C'était juste dans cette. Moi, je suis surpris de la manière qu'il y avait. Tu me dis, il y avait 25 équipes. C'est pas, ça marche pas que les championnes de chaque région se qualifient. Ah, c'est pas bien que ça marche? Bah, plus maintenant, parce que justement, là, il y a tellement plus de femmes qui jouent. Tu sais, qui veulent. Je voudrais qu'ils veulent s'investir, là, tu sais, parce que. Bon, quand on est jeune, on n'a pas d'enfant, on a un travail à temps partiel, on va à l'école, tu sais, on a toujours des trous pour aller pratiquer, pour aller faire des tournois, puis c'est moins grave. Tandis que là, maintenant, prendre une semaine de sans solde, tu sais, moi, je suis enseignante, fait que c'était une semaine sans solde que je prenais pour aller au provincial, fait que l'argent, là, elle rentre pas, là, tu sais, mais j'ai une famille à faire vivre, puis, fait que, tu sais, c'est tout ça, je pense, qui devient un peu plus difficile, là, pour avoir plus d'équipes de femmes. Fait que, tu sais, les juniors, eux autres, ben, ils viennent combler ça, puis c'est bien correct, là. Mais comment avoir plus d'équipes de femmes, c'est ce que Curling Québec essaye de trouver, là, puis qu'ils veulent qu'on essaye de trouver, mais c'est pas évident, là, vraiment pas. Puis c'est la même chose dans les autres provinces aussi, là. Ah oui, OK. Oui, ça baisse beaucoup. C'est sûr qu'en Alberta, maintenant, il y avait 100 équipes avant, là, sont rendues... peut-être 50 ou 40, mais ça a quand même baissé de plus que de moitié. Là. Okay. Fait que nous autres au Québec, il y avait peut-être 20 équipes, on est rendu à 5, ben oui, ça a baissé c'est assez dramatiquement aussi. Là. OK. Hey, t'as l'expérience des Girl Scouts, c'est pour ça que je t'appelle. C'est très gros au Canada anglais, les Girl Scouts. Écoute, la preuve, 66 heures que TSN va consacrer. Le meilleur conseil que tu donnerais à l'équipe de Mélina Perron? Parce que j'ai l'impression qu'ils vont être le centre d'attraction. Ils vont être là. Ce sera pas une équipe comme un autre, là. Je pense que c'est la première fois qu'une équipe junior arrive représenter un. Oui, tout à fait. Donc, j'ai l'impression que TSN va être là pour avoir beaucoup de distractions. Oui, c'est ça. Vraiment, là, le conseil, c'est vraiment d'essayer d'éviter le plus possible les distractions, là. Parce que c'est sûr qu'il y en a, tu sais, il y a beaucoup de cérémonies, il y a des banquets, il y a des journalistes, il y a des, tu sais, les entrevues avec TSN, les micros, tu sais, il y a vraiment, vraiment beaucoup de distractions. Puis, on sent des fois, quand on va représenter le Québec, puis à la télé, tout ça, ben, on sent une pression aussi, de l'extérieur, tu sais, c'est pas juste pour notre équipe qu'on le fait, mais on le fait pour le Québec. Fait que ça aussi là, ça met une pression supplémentaire un peu. Mais c'est d'essayer pour eux autres là d'oublier tout ça là, puis de vraiment rester concentré sur bon, j'ai une pierre à lancer, ben je vais la lancer, le bon poids au balai, puis c'est ce qui est important, un bout à la fois, puis on verra à la suite. Tu sais, okay. Un peu comme ils ont entrepris le provincial là. Tu sais, je pense que ça c'est le meilleur conseil. Penses-tu qu'ils peuvent être prêts à légère? Parce qu'au Canada anglais, c'est vrai, il y a des professionnels là-dedans qui ne font que ça. Penses-tu qu'ils pourraient être prêts à légère, ça pourrait les aider? Non, sincèrement, là, non, je le crois pas, parce que ces filles-là, ils ont beaucoup d'expérience et ils le savent très bien que n'importe qui peut arriver puis jouer bien une journée. Donc, non, il y a personne qui prend à la légère, personne. Moi, en tout cas, j'ai jamais vu ça à ce niveau-là, là, de dire oh ben ça va être facile. Non. Tu sais, il y avait avant les territoires du Nord-Ouest puis tout ça, là, qui est un peu moins fort, là, maintenant sont rendus plus forts un peu, là, mais dans le temps, c'était comme ça. Puis non, moi, en tout cas, pis, personnellement, puis ce que je voyais des autres, c'est même préparation d'avant-match, même préparation avant de lancer les pierres. Okay. T'es là pour jouer pas contre l'équipe adverse, mais contre les pierres adverses. Okay. Fait que si moi je pense ça, là, c'est sûr que toutes ces filles-là pensent ça aussi, là-bas. Pourquoi curling au Québec est un recul comparativement au Canada anglais? C'est-tu parce que c'est, je pense que le curling, ça vient de l'Écosse, donc c'est, ça a des racines anglaises. Est-ce que ça l'explique ça? Ouais. Oui, c'est vraiment dans les mœurs, là, là-bas, là. J'ai été resté un bout de temps, là, en Alberta, là, puis c'était ça. Tout le monde joue au curling. Si tu joues pas au curling, c'est un peu bizarre, tu sais. Fait que c'est vraiment, c'est ça. C'est dans leurs mœurs, puis dans leur famille. C'est de famille en famille, de génération en génération qui joue au curling. Fait que ça vient, c'est un peu comme nous autres, le hockey, là, tu sais. Tout le monde patine, là, ici au Québec ou à peu près, là. Ben, eux autres, tout le monde joue au curling, puis... Après ça, ben, tu sais, si tu deviens bon, ben, tu continues. Mais tu sais, comme nous autres, par exemple, au Québec, c'est, je dirais que c'est ce que j'ai trouvé la différence. C'est un peu plus social. Tu sais, nous, on va jouer au curling, mais c'est aussi pour le social après. Ouais. Mais là-bas, c'est vraiment, on va jouer au curling, puis on s'en va. C'est plus comme ça, là. Ouais. Il y a moins de, on se paye un verre après la partie ou ces choses-là, là. Ouais. C'est vraiment plus, c'est notre sport, ils vont s'entraîner comme ça, puis après, ça, ils s'en vont. OK. Dis-moi, le Québec a perdu au niveau junior en finale à Shawinigan. Mm-hmm. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'avancement du curling au Québec, le fait que le junior progresse, qu'ils se sont rendus en demi-finale, en finale, ou encore tu me l'as dit ce matin avant d'entrer en onde, le junior, c'est pas comme le senior. Le junior, ils ont le temps de jouer au curling. Donc, c'est ça la grande différence. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou c'est vraiment... là? Faut prendre ça de cette façon-là que les jeunes aux juniors ils ont le temps puis ils sont sur même pied d'égalité, par exemple, qu'une autre équipe au Canada anglais. Mais première chose là, moi je pense que c'est vraiment une bonne nouvelle. Là. C'est vraiment une bonne nouvelle d'avoir des équipes là qui performent comme ça là. Définitivement, c'est bon pour le curling au Québec. Ça c'est clair parce que. Je sais que au niveau juvénile, là, il y avait pas ça là dans mon temps. Là, ils font vraiment des tournois juvéniles, ils font des camps d'entraînement juvéniles. Ça, je parle 16 ans et moins. Okay. Puis ces filles-là qui sont là, donc Laurie Saint-Georges qui a perdu en finale du Canadien junior, puis Emilia, ils ont passé par ce processus-là. Tu sais, ils en ont fait des camps, puis ils ont eu beaucoup d'informations, puis beaucoup de bagages. Ils sont bien entraînés, ils sont bien entourés. Fait que ça peut être que bon pour le futur, là, définitivement. Puis c'est ça qui nous manquait peut-être un peu, là, de la relève. Tandis que là, on le voit qu'ils sont là, puis c'est le fun de voir ça. La seule chose, c'est qu'il faut pas les écœurer, par exemple. Tu sais, ouais, exactement. Tu sais, je pense qu'il faut pas les surdoser. Faut essayer de les garder avec la passion puis le goût qu'ils ont présentement pour qu'ils puissent continuer de l'avoir plus tard. Parce que souvent, c'est ça qui arrive. Tu sais, si on les perd rendus à 22 ans ou 25 ans parce que, tu sais, ils ont plus le goût puis ils ont d'autres choses, ben, ils en ont trop fait avant, ben, c'est un peu plate, là. Faut essayer de les garder, là, pour qu'ils puissent continuer là, à performer comme ça au niveau femme. Okay. Marie-France Sarrouche, c'était très, très intéressant. On va surveiller l'équipe de Mélina Perron. On va parler avec Alain Jureau vendredi, qui sera à la description de ce tournoi-là. Merci beaucoup, puis on va voir lequel on se reparle un jour. Bon, ben parfait, merci Marie-France beaucoup. Marie-France Larouche de Dolbeau, Mississippi.